Végétarien. Hier, j'étais dans la mer et j'avais même pas pied. Moi, je m'en fiche parce que je nage toute seule et sans brassard. Et ben moi aussi. Et même qu'avec mon papa, une fois, on a nagé même quand il y avait le drapeau rouge. Et si nous transmettions la bonne attitude, à la plage aussi, les consignes de sécurité se respectent. Attitude prévention. Les assureurs se mobilisent. Cinquième et dernier temps de notre série de documentaires de la Fabrique de l'Histoire sur les révolutions des années 1960, aujourd'hui, les Pays-Bas. Pendant toute cette semaine, nous avons évoqué beaucoup de révolutions qui eurent lieu dans ce qu'on appelait alors le tiers-monde. Qu'en fut-il en Europe, en particulier aux Pays-Bas, où bien avant 1968, des jeunes néerlandais décidèrent de rompre avec le mode de vie de leurs parents. On les appelait les Provos, et c'est leur histoire de révolte tranquille que racontent ce matin Anaïs Quin et Anne Fleury dans leur documentaire. Ces jeunes se voulaient à la fois héritiers de la résistance, mais attirés par le mouvement libertaire, et ils ont changé la société néerlandaise. Qu'est-ce qu'un provo ? Pourquoi j'en ai une ? Je vous demande votre avis. Oh, moi, j'ai aucun avis là-dessus. Qu'est-ce qu'un provo ? C'est un business suédois. Voilà, c'est un gars qui, comme nous, a la mort de la vie. Vous les voyez comme les business ? Oui, on les voit. Non, parce qu'ils sont pour la violence. Non, ils sont pour la violence, justement, voilà. Non. Qu'est-ce qu'un provo ? Un provo, pour moi... C'est-à-dire dans la société, on le représente un peu comme un anarchiste. Je pense plutôt que ce soit une personne qui désire être libre, vivre en liberté. Enfin, la liberté comme on la conçoit, faire ce que l'on veut au moment où l'on veut. Merci. Provo is een naamblad voor anarchisten, provo's, beatniks, pleiners, schuilerslijpers, bijenschoten. Les Provos d'Amsterdam, un 68 avant la lettre. Provo est un journal pour... anarchistes, provos, beatniks, des gens de les prisons, des magiciens, des pacifistes, des charlatans, des philosophes, les porteurs de bacilles, les épeningueurs, les végétariens, les syndicalistes, les prostituées. Mais provos a des problèmes avec le capitalisme, communisme, fascisme, bureaucratie, militarisme, snobisme, professionnalisme, dogmatisme en autoritarisme. Si mai 68 incarne en France le soulèvement d'une jeunesse que ses perspectives d'avenir horrifiaient, il a eu des précédents. Entre 1965 et 1967, le mouvement Provo agite Amsterdam. Désespéré par une société de consommation dévorante, de jeunes gens se retrouvent tous les samedis soirs pour célébrer la créativité et leur désir de vivre comme ils le souhaitent, en repoussant les cloisons de la société néerlandaise. Avec leur plan blanc, ces jeunes citadins proposent une réforme de la vie collective, sans attendre un grand soir toujours hypothétique. Mouvement écologiste, féministe, soucieux de sécurité et de santé publique, les Provos ouvrent en précurseur les voies d'une contestation qui fait rapidement des adeptes, en Belgique, en Italie et en France, où le mouvement beatnik peine à s'épanouir. Provo devient un mantra pour les jeunes d'Europe occidentale, la promesse d'avoir son mot à dire dans l'espace public et de choisir son quotidien. Rendez-vous avec Bart van Eric Huytsen sur la petite place du Spuy, là où tout a commencé. Bon, je reprends au début. Je suis ici, août 65. Ici, il y a les happenings, des gens qui tournent autour de cette petite statue. Il y a la police partout. Il y a des centaines de gens. La police pouvait battre vraiment très fort. Alors, on avait un peu peur. Et à un certain moment, les gens dans la rue se sont mis à crier « Nous avons peur !» Et tout d'un coup, il y a un chœur qui crie, qui chante « Nous avons peur !» Nous avons peur. La police ne l'a pas aimé, parce que c'est pas bien que de dire qu'on a peur. La police devient agressive quand on dit qu'on a peur. Ça devient un peu plus rythmique, là. Voilà. Et vous, vous en étiez où de votre vie, Bart, en 1965 ? J'étais à l'école, j'avais 17 ans, et j'habitais pas ici à Amsterdam, mais à Heemstede. J'étais de gauche, et j'avais lu dans les journaux qu'il y avait une groupuscule de jeunes manifestants à Amsterdam qui distribuaient des pamphlets. J'allais de temps en temps, j'allais à Amsterdam en stop, parce que j'avais pas de l'argent pour le bus ou pour le train. Et alors, j'ai rencontré les provos ici, sur les dames à Amsterdam. Alors, j'ai lu les pamphlets, et je trouvais ça, tout ça intéressant. Et à un certain moment, on m'a dit qu'une manifestation, un happening, aura lieu le samedi, je crois, 14 août 1965. Et jusqu'à aujourd'hui, je trouve que c'est si beau qu'il y a une grande groupe de gens qui ont peur, chacun pour soi. Et à un certain moment, tous ces sentiments intérieurs se mêlent et ils crient tous ensemble « Nous avons peur, nous avons peur, nous avons peur ». Et oui, ils ont peur de la police, mais aussi, ils ont peur d'autre chose. Comme disaient les provos, peut-être dans un an ou dans cinq ans, on va tous mourir dans une guerre nucléaire. Parce que ça, c'était la grande peur au milieu des années 60, qu'une grande guerre nucléaire allait se déclencher. Et les Russes et les Américains ne vont pas faire cette guerre dans leur pays, mais ils vont utiliser le Nord, la partie nordique de l'Europe pour ça. Nous allons tous mourir. Et c'était un sentiment qui était assez fort dans ce temps. Et dans le journal Provo, Lo van Dan, le leader qu'on appelle pas le leader, a écrit « C'est peut-être notre dernière chance de pouvoir nous révolter contre tout ce qui a lieu maintenant. » C'était un peu punk, no future, tu vois. Et le fait que tous ces gens, en ce moment-là, ont crié « Wij zijn bang, wij zijn bang », pour moi, c'est tellement actuel. Alors j'ai enregistré tout le happening, le chœur, mais ils ont un pan. J'ai fait des interviews ici dans la rue avec les leaders du mouvement Provo. On n'a pas le droit de dire les leaders du mouvement Provo parce que c'était un mouvement anarchiste. Alors Lo van Dan ou Rob Stock disaient toujours « je ne suis pas le leader », mais ils parlaient aussi de notre « following » tout de même. C'est difficile d'être anarchiste. Et alors j'ai fait des interviews avec eux et c'est devenu un très grand événement. Beaucoup de police, beaucoup de gens, des gens à l'hôpital. Parce qu'il y avait eu une répression un peu féroce, il y avait eu des blessés. Oui. La police était bien agressive. Je crois que pour cette manifestation-là, il y avait 3 ou 4 gens qui ont fini à l'hôpital, pas très gravement blessés, mais tout de même. Mais oui, ils avaient, comment on appelle ça, des matraques, hein, oui. Et surtout quand ils étaient, ça se fait plus, mais ils étaient sur des motos, et il y a un policier en moto, et à côté de lui, le deuxième policier est dans le sidecar. Et quand il matraque, quand il te passe à 40 km à l'heure, ça fait mal. Et ils employaient aussi des chiens, et on avait très peur des chiens. Et c'était assez féroce. On pouvait dire que les provos ont appris les autorités comment traiter ces situations-là. Ils n'étaient pas du tout habitués à ça en ce moment-là. Plus tard, ils ont compris. Ces gens n'étaient pas très dangereux, ils n'étaient pas très violents ou agressifs. Il faut parler avec eux, il ne faut pas tout de suite les frapper dans le visage. La réponse des autorités policières était complètement disproportionnée finalement. Oui, je crois. De toute façon, quand je rentrais à la maison, j'avais été battu, j'avais une blessure dans le visage. Et ma mère était très très fâchée, elle voulait aller tout de suite à Amsterdam pour porter plainte contre la police. J'ai dit non, maman, fais pas ça, je suis fier de ça. À cause des campagnes anti-tabac, à cause d'une conscience écologique qui n'existe pas du tout en France à ce moment-là, et qui existe encore assez peu d'ailleurs, le mouvement Provo a l'air très sain, Jan Huisplans. Yes, well, I got interested in ecological stuff because of the book of Rachel Carson, Silent Spring. Je me suis intéressé à l'écologie grâce au livre de Rachel Carson, Silent Spring, sur le DDT, partout dans les cheveux. Je n'ai pas de cheveux, mais on en trouvait dans les cheveux des gens aux États-Unis dans les années 60. Ça a été le déclencheur de ma réflexion sur les problèmes écologiques. D'autres personnes avaient leurs propres expériences, comme Robert Grootveld, qui était un artiste de Happening. Et Robert Jasper Grootveld était one of the persons to get people together on Saturday nights, and that was. Il rassemblait les gens le samedi soir. C'était très drôle parce que le samedi soir, tout le monde sort. You know, there were so many people coming and looking at these happenings. Et il y avait tant de gens qui venaient et regardaient ces happenings que les chances étaient grandes de se faire frapper par la police. C'était en quelque sorte une démocratisation. So this young student from the sticks. Outside Amsterdam. Des jeunes étudiants de droite du STIX, un quartier en dehors d'Amsterdam. Des étudiants venaient et, après de nombreuses bières, se retrouvaient aussi malmenés que nous par les agents de police. Et leur père allait se plaindre. C'était vraiment bien. Je dirais que ça a aussi rendu Provo célèbre parce que nous étions très bons pour manipuler avec la publicité. On attirait les gens et on leur disait « Vous voulez voir comment on se fait taper dessus par la police ? Rejoignez-nous !» C'était une nouvelle manière de profiter de son samedi soir. La provocation ne résout pas les problèmes, mais elle force les solutions à se manifester en les rendant impossibles à attendre plus longtemps. C'est sans doute là la plus grande contribution des provos à la tranquille révolution anarchiste et à la démocratie elle-même. Quand avez-vous commencé à fréquenter le mouvement Provo, Jan Huisplans? J'ai été viré de l'école. Non, je me suis viré moi-même de l'école à 14 ans. La discussion était sur... Nous avions une discussion à propos de la politique coloniale des Pays-Bas dans un couloir où nous n'avions pas la permission de parler. Un des professeurs nous a ordonné de nous taire. Nous avons répondu que nous parlions d'un sujet très sérieux, mais pour eux ça ne comptait pas. Et nous avons dû écrire 500 mots. Je ne sais pas ce qu'on fait de nos jours pour punir les enfants, mais c'était une vraie punition. Alors nous avons écrit à propos des divergences politiques entre élèves et professeurs. C'était en 59 ou 60. Et puis, la situation s'est aggravée. J'ai pensé, tout m'intéresse, sauf l'école. Et j'ai voulu en sortir. Mes parents ne m'ont pas soutenu, mais j'ai trouvé du travail chez un éditeur. Dans ce bureau d'édition, il y avait des gens complètement bizarres comme Olaf Stope, qui est un des premiers à s'être déclaré Provo, qui diffusait des tracts vraiment méchants sur les politiciens entre les pages du Télégraphe. Like the Figaro in France. Something like that. Il distribuait ses journaux à l'aéroport où il travaillait et les gens tombaient dessus sans s'y attendre. Et ces histoires étranges les inquiétaient beaucoup. Nous proposons que la municipalité achète 20 000 vélos blancs chaque année. Ces vélos blancs appartiendront à tous et à personne. Comme premier pas, Provo offre aux volontaires la possibilité de faire peindre en blanc leur propre vélo tous les samedis à minuit près du Livertieu sur le Speuil. Les taxis, en tant que transport semi-public dans la cité, fonctionneront à l'électricité et ne dépasseront pas la vitesse de 40 km/h à l'intérieur de la ville. Bart van Erikhuizen, est-ce que vous pouvez nous présenter ce bonhomme là-bas ? C'est une statue qui a été offerte à la ville d'Amsterdam en 1961 ou 62. C'est marqué 60. Ah, voilà. Et ça représente un petit garçon un peu méchant, mais pas vraiment gentil tout de même. Liefertje, c'est un peu du chouchou, mais aussi un peu ironique, tu vois. Mais ça a été payé par, vous regardez là, cadeau à Amsterdam par la fabrique de cigarettes Hunter. Et ça a choqué des gens, parce qu'on a dit, alors, la jeunesse d'Amsterdam est déjà empoisonnée par la nicotine, par les grandes fabriques. Alors ça, c'est comme disait Robert Jasper Grootveld, c'est le consommateur de demain. Il est déjà préparé à consommer les cigarettes demain. Et pour lui, c'était la raison pour laquelle il donnait ici, devant cette statue, des manifestations qu'il appelait des happenings. Il était entouré par des gens qui ont chanté en chœur. Et par exemple, il voulait que tout le monde tousse. Alors, il y a 200 gens, ça, je ne l'ai pas enregistré dans le temps, malheureusement, qui faisaient « Heure, docteur, ça fait mal !» Et ça, c'était en 65. Et il avait un temple. Voilà, ça, c'est le temple anti-fumeur. Là-dedans, il fumait plein de cigarettes pour épargner les autres. Il fumait 6 cigarettes à la fois. Comme ça, 6 autres personnes ne les fumaient pas. Et puis, il faisait la promotion de la marijuana. Et il y avait les chœurs aussi. Il y avait quand même une cinquantaine, soixantaine de provos qui se réunissaient là. Daniel Bourgois. Ils étaient d'ailleurs très souvent habillés en blanc. Ils avaient des jeans blancs, on pouvait facilement les repérer dans la rue. Donc ils secouaient les gens, enfin pas physiquement, mais moralement. Alors voilà, ils écrivaient sur des murs où il y avait de la publicité pour le tabac, par exemple, qui en 66 était tout à fait... ordinaire, disons, ils écrivaient cancer sur le. Déjà, il y a 50 ans, hein, c'était vraiment le noyau de gens qui réfléchissaient à la société future et qui ne voulaient surtout plus de celle très embourgeoisée des Pays-Bas, qui était peut-être encore plus conservatrice que la France. Parce que ici, il y avait le système de pilarisation, c'est-à-dire que les protestants, les catholiques, avaient leurs piliers. Tout était les écoles. On avait des écoles catholiques, on avait des associations catholiques, des clubs de football catholiques. Quand on était catholique, on avait tout dans le catholicisme. C'était vraiment le communautarisme, mais au plan national, on peut dire. Et c'était très conservateur. On ne pouvait pas sortir de sa communauté. Non, voilà, c'était très difficile. On était programmé à vie dans le sillon. Voilà. Et ça, c'est un élément qui est important parce que les provos ont tout cassé un peu ça. Mais c'est un mouvement politique, bien sûr, mais surtout très ludique. C'est ce côté ludique qui a fait passer le message beaucoup plus facilement. Alors qu'en France, il faut toujours qu'il y ait un cadre théorique très concret. Et ça prend beaucoup plus de temps, bien sûr, à descendre dans les strates inférieures. Tandis qu'ici, c'était beaucoup plus joyeux, je pense. Les couples ayant 2 enfants seront avisés qu'il est irresponsable d'avoir un enfant de plus. L'augmentation de la population atteint des proportions alarmantes. Je ne vois pas pourquoi les pays sous-développés devraient seuls profiter des nouvelles méthodes de contrôle des naissances. Si ces mesures sont mises en application, les jeunes filles pourront acquérir plus tôt de l'expérience en amour. Elles grandiront d'une façon plus équilibrée et auront plus de chances de faire un véritable choix lorsqu'elles voudront se marier ou avoir des enfants. Après la guerre, beaucoup de gens s'attendaient à un changement politique. Mais les vieux bobos, c'est comme ça que nous les appelons, c'est un terme inventé par un joueur de foot qu'on a repris, les gens qui ont l'air d'être responsables, des vieux chrétiens, les notables. Ils ont enjambé les 5 années de guerre et ils ont continué comme si rien n'avait changé. Ça en a énervé plus d'un. C'est aussi la raison pour laquelle nous avons été soutenus, je crois, de manière un peu sournoise par les vieux résistants, de gauche, peut-être un peu anarchistes, qui avaient combattu pendant la guerre d'Espagne contre Franco. Dans les années 30. Ils nous disaient toujours, c'est pas mal ce que vous faites, mais il y a aussi... Parce que leur réseau était meilleur que les nôtres, leur connaissance en histoire aussi. Et ils savaient comment s'y prendre pour avoir accès aux archives, des choses comme ça. C'est quelque chose qu'on oublie souvent quand on parle des Provos. On était soutenus par les plus âgés qui désapprouvaient ce qui s'était passé après la guerre. Nous avons foncé là-dedans. Pour nous, nous avions quelque chose comme 19 ans. C'était un rite de passage. Et ce qui est amusant, c'est que les vieux bobos nous ont donné tout ce qu'il fallait pour exploiter la situation. And we loved it. Et on a adoré ça. 11 mars 1966. Dans Amsterdam en liesse, le chahut organisé par quelques centaines de jeunes manifestants discrètement contenus par la police n'aura pas réussi à troubler la belle ordonnance du cortège nuptial en route vers la Westerkerk où Klaus von Amsberg, devenu prince des Pays-Bas, va prendre pour légitime épouse la princesse Béatrix de Hollande. La princesse Béatrix a triomphé des réticences de ses parents, puis de l'opposition du Parlement. Et finalement, elle s'est conciliée la plus grande partie de la population. Le bilan des projectiles que reçut le carrosse d'or se monta à 7 bombes fumigènes, très sommairement fabriquées, et 2 demi-poulets. On arrêta 100 de personnes, 6 arrestations furent maintenues, 1 manifestant avait été blessé. Vous avez assisté à ce qui avait été organisé par les Provos en 1966, au moment du mariage de la princesse Béatrix ? Ah, c'est intéressant, non. Les jours avant, l'atmosphère était tellement tendue et tellement agressive que je me suis dit, ça peut devenir vraiment dangereux. Alors là, je suis resté à Hempstead de format télé. Et je me rappelle très bien qu'on voyait le mariage, on voyait la carrosse d'or... On voyait le couple dans l'église et tout d'un coup, on voyait le chemin et on voyait derrière eux des nuages noirs. Et je me suis dit, tiens, ça, c'est nous. Some of the people that came from the resistance. Yeah, no plans. Les anciens de la résistance ont été surpris de voir que notre reine allait épouser un type qui avait fait partie des jeunesses hitlériennes. Donc, il y avait beaucoup de sympathie pour les protestations. Nous n'étions pas les seuls. J'ai jeté un tract sur le bateau, c'est la fameuse photo sur laquelle on voit Béatrix qui essaye d'attraper le papier. Et quelqu'un de la sécurité lui dit « Ne faites pas ça ». C'était vraiment pas une lettre d'amour. Ça disait « Quelle étrange situation. Une des princesses est mariée à un fasciste espagnol. La reine va épouser un membre des jeunesses hitlériennes. » Et le prince Bernhard, le père de la reine, a travaillé pour une usine allemande de Zyklon B qui a tué tant de juifs. Donc, quel genre de monarchie avons-nous aux Pays-Bas ? C'était une bonne question à ce moment-là. Ça l'est toujours d'ailleurs. L'organisation a été facile. On est allé voir les journalistes à l'endroit où ils déjeunaient tous et nous y avons sournoisement discuté entre nous de la façon dont nous allions donner du LSD sur des morceaux de sucre aux chevaux de la police montée. That was the front page news, of course. Et il s'est passé exactement ce que nous avions prévu. Ils ont publié en première page « Les Provos vont droguer les chevaux de la police ». Ce qu'on n'a pas fait. Les bombes fumigènes, je n'en ai pas fabriqué, mais j'ai vu les autres en faire. You need aluminium that you use in the kitchen. You put some sugar. C'est très facile. Dans des feuilles d'alu, du sucre, des choses comme ça, et ça fume. L'effet est fantastique. C'est du théâtre, sans blesser personne. Personne ne peut dire que nous étions agressifs. Enfin, nous avons peint sur les murs. C'est vrai. Ce mariage qui devait se passer à Amsterdam, ville républicaine, ville rouge, hein, Nicolas Spass, historien, proposait un podium extraordinaire pour manifester. C'est 65, donc 20 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, 25 ans après le début pour les Pays-Bas, parce que les Pays-Bas ont été envahis en 1940. L'enjeu commémoratif entraînait aussi un enjeu médiatique. Donc tout s'enchaîne, il y a le passé allemand. Un Allemand qui avait servi dans le Wehrmacht, donc dans l'armée allemande, même s'il n'était pas du tout nazi, il était gentil comme tout. Mais bon, ce qui comptait, c'était les symboles, ce qu'il représentait. Donc il représentait l'Allemagne, il représentait la guerre, il représentait en fait l'ennemi. Donc ce cortège était surchargé de symbolique. Il y avait la monarchie, il y avait le passé, il y avait la guerre, il y avait tout. Donc pour les Provos, une aubaine pour s'exprimer. Daniel Bourgois découvre le Speuil et ses habitués devant sa télévision lors de la diffusion de l'émission 5 colonnes à la une consacrée aux Provos. Le 7 octobre 1966. La rencontre est décisive pour elle, mais pas encore pour les Parisiens, qu'elle interroge micro en main les jours suivants. Qu'est-ce qu'un Provo ? Comment ? Qu'est-ce qu'un Provo ? Un Provo ? Un Provo ? Je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Merci. J'étais très jeune, j'avais 18 ans, donc on a bien sûr tous les idéaux révolutionnaires qu'on peut avoir à cet âge-là. Donc j'habitais en banlieue parisienne, j'étais encore presque au lycée. Après cette interview que j'ai faite dans la rue pour demander aux gens ce qu'ils pensaient des Provos, tout ça, je me suis dit qu'il était peut-être temps de venir voir sur place ce dont ils retournaient. Donc je suis venue à Amsterdam. Pour la petite histoire d'ailleurs, je suis venue en mobylette. Sous la pluie, 3 jours de voyage, 500 kilomètres, avec ma petite tante. Et puis voilà, un jour j'ai débarqué à Haarlem, à Amsterdam, j'ai cherché un petit peu, c'était pas difficile de les trouver parce qu'ils étaient toujours un peu présents. Et puis on m'a dit, voilà, bah, y a un jeune homme qui est très engagé dans l'histoire, c'est Bart van Eerikhuizen, si tu veux, on peut te présenter, voilà. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré Bart ici. On a parlé... beaucoup d'avenir, puis les choses s'enchaînent, comme c'est souvent le cas. Et Bart, vous m'avez envoyé cette photo-là. Oui. Vous avez quel âge sur cette photo-là? 18. On vous voit devant un mur. Oui. Sur lesquels sont collés des... Sur lesquels j'ai collé tout ce que je trouvais intéressant. Ici, vous voyez Daniel, c'était ma copine, vous l'avez vu. Ici, vous voyez le petit pomme de Provo, c'était le symbole de Provo. La pomme ? La petite pomme, mais fait comme ça, vous voyez, avec une cercle et un petit queue. On faisait des manifestations contre la guerre au Vietnam. Alors là, on voit la guerre du Vietnam boycotter des produits américains. C'est écrit en français d'ailleurs. Oui, c'est ma copine qui me l'a envoyé. Ça, c'est moi d'ailleurs, quand j'avais 4 ans. On voit Jérôme Baïès. Et là, on voit, tu ne le vois pas très bien comme ça, mais c'est Bob Dylan. Alors, c'est mes héros. D'accord. Là, c'est John Baez. Oui. Jeune, oui. D'accord. Alors, moi et Daniel, c'était Dylan et John Baez. C'est ce qu'on pensait dans le temps. Et là, j'ai écrit « Now everything is possible ». Et tout était possible, vraiment ? Tout était possible. Non, pas tout. Non, ça, c'est des choses qu'on découvre plus tard. Le poulet blanc est le travailleur social de l'avenir. Il est chargé de la distribution de médicaments et de pansements en cas d'urgence. Il est muni d'allumettes, de contraceptifs, d'oranges et de cuisses de poulet pour le provotariat affamé. Le poulet blanc est l'image de la révolution douce dans les rapports sociaux. Pour la Belgique et la France, un plan similaire est en chantier, le plan flic blanc. Est-ce qu'on peut dire qui était sociologiquement, quelles étaient les provenances sociales des jeunes gens qui constituaient Provo? Yes, I would say that Rob was definitely not oui, from the middle class. Je dirais que Rob n'était pas de la classe moyenne. Moi, j'en étais. D'autres aussi. But a lot of other people were from a working background. Mais beaucoup venaient du milieu ouvrier. And before Provo, we had this hullabaloo. Avant Provo, il y avait ces hurluberlus. Aimed at young kids in l'attention city était focalisée sur ces jeunes dans la ville noise at night, smoking, qui faisaient du bruit le soir, fumaient au coin des rues, driving around on a small moped, rodés en mobylette, being good looking, ils étaient bien habillés. For a lot of older people who had their une aberration nice pour les gens qui sortaient des boutiques où ils s'étaient offerts de beaux batteurs électriques. Les jeunes se fichaient complètement de ce genre de choses. Il y avait de la tension. On les appelait les nozèmes, les blousons noirs. Et quelqu'un avait fait un mémoire universitaire sur leur comportement. Il disait que ce que voulaient ces blousons noirs, c'était provoquer. Et nous avons immédiatement aimé ça. C'est ce que nous voulions faire. Donc, nous nous sommes appelés Provo. Les blousons noirs traînaient dans les quartiers commerciaux, bon marché, autour des cinémas ou des bars, par exemple. Nous, nous étions plus arty. On préférait traîner près des théâtres. Et on s'est mélangés. C'est intéressant parce que une grande part de ce qui s'est passé émanait d'une énergie qui n'était pas vraiment marquée politiquement. Moi-même, je n'ai jamais lu Lénine ou Marx à ce moment-là. Pas du tout. J'ai lu certains matériaux de gens qui avaient été en Espagne. J'avais lu des choses sur les combattants de la guerre d'Espagne et nous nous demandions ce que nous aurions fait pendant la guerre. Aurions-nous été aussi courageux que ceux qui ont combattu les Allemands dans la résistance ? Aurions-nous dit « Désolé, mais vous allez trop loin, il faudra me tuer pour continuer ?» Le courage personnel était une véritable question pour nous. C'était le cœur de notre réflexion. And I personally I think that for me at least Mick Jagger did more to Et personnellement Mick Jagger m'animait bien plus que Lénine did. Lénine ou Marx à ce moment-là. Il n'y avait pas beaucoup de prolétariat dans l'histoire. Bon, ça, c'est sûr. Après, il y a eu des mouvements un peu ouvriers qui s'y sont rattachés, mais à l'origine, ça ne l'était pas du tout. C'était ce qu'on dirait maintenant un peu des fils de bonne famille. Ils parlaient très bien, sans accent de banlieue, disons. Et la jonction avec le mouvement ouvrier néerlandais, comment ça s'est passé ? C'était très éphémère. Il y a eu des grèves à un certain moment où ils se sont retrouvés ensemble, mais ça n'a jamais vraiment marché. Mais d'ailleurs, il y a très rarement des grèves aux Pays-Bas. Hein, c'est pas la France. C'est ici, pour qu'il y ait une grève, il faut vraiment que l'enjeu soit de taille, parce que sinon, tout se règle à l'amiable, on peut dire ici. Ça s'appelle le Polder Model. C'est un peu un anachronisme parce que le terme est venu bien après les années 60. Mais c'est ça, on se met autour d'une table et on discute jusqu'à temps qu'on ait résolu le problème. Alors bon, ça prend du temps, on crée une commission qui étudie ceci, qui étudie cela. Et puis on arrive quand même à la fin à se mettre plus ou moins d'accord sur certaines choses. C'est vraiment un mélange. Par exemple, Roel van Daan, il parlait avec un accent un peu chic. Et il avait suivi une école Montessori. Ça existe en France ? Montessori, oui, oui. C'était le typique élève Montessori qui n'a de respect pour rien, qui a été éduqué de toujours poser des questions. Alors ça, à La Haye, c'était une école petit peu pour l'élite. Alors lui, c'est disons les classes moyennes. Mais il y avait aussi par exemple, Robert Jans van Grootveld nettoyait les vitres des maisons. Alors on trouvait toutes les classes sociaux un peu mélangées. Je peux même dire, et ça, c'est une chose que je me réalise maintenant en parlant avec vous, que à Heemstede, c'est un peu chic. Alors je ne voyais que des gens de ma classe. C'était mon univers. Je voyais rien d'autre. De temps en temps, on voyait un ouvrier à la télévision qui parlait avec un accent des ouvriers. Et dans le mouvement Provo, je rencontrais des gens de toutes les classes sociales. J'avais 17 ans. C'était pour la première fois de ma vie. Et qui venaient aussi de toutes les communautés religieuses ? Ah ! Bon, il y a un côté athéiste. Peut-être ils n'étaient pas contre la religion, mais il y a une sorte d'anti-catholicisme. Catholicisme ? Oui, mais oui. Mais pas anti-protestantisme ? Pas tellement. Non. Et on pourrait même dire que dans les Provos, il y a un côté protestant. Avant que le monde ait détruit, il faut encore une voix dire la vérité. C'est Calvin, ça ? C'est Luther ? On essaye d'aller voir le journal dans la librairie, oui, alors ? Oui, mais d'abord, il faut demander permission, oui. Parce que les relations sont de temps en temps très autoritaires. Ça va ? On vous attend devant ? Les enfants n'ont pas suffisamment d'espace pour jouer, surtout en centre-ville. Entre les tas de ferrailles en stationnement de la société d'abondance, ils ne peuvent que ramper, pleurer et tomber s'ils n'ont pas encore été renversés. Si nous nous y prenons bien, les enfants d'aujourd'hui peuvent devenir les adultes ludiques de demain. Il faut faire voler en éclats la routine qui impose une présence permanente aux côtés de l'enfant, de façon à ce que la mère puisse être plus attentive à l'enfant quand elle le retrouve. Alors, ça c'est une... Pourquoi pas des crèches ? Une réédition de tous les numéros du journal Provo et aussi de leurs pamphlets qu'ils ont distribués dans la rue. Alors j'étais là dans la cave où Rob Stock était en train de reproduire... De renéotyper les... Voilà. Les tracts. Alors, numéro 3... Alors là, par exemple, c'est la reine. C'est Willem. C'est un dessin de Willem, oui. C'est un dessin de Willem. Et c'est très évident. C'est la reine à la police. On voit la reine qui a l'air de marcher dans la rue avec un air très digne et sa couronne sur la tête. Et elle tient, on laisse un policier qui est à quatre pattes par terre, mais qui brandit quand même un sabre. Voilà. Voilà. Pour prouver que c'est vrai, que je suis celui de... c'est mon nom. Et il parle de quoi, cet article ? Le sujet était une manifestation contre les bombes nucléaires qu'on avait fait il y a quelques mois avant On s'est promené de Den Helder, une petite ville dans le nord de la Hollande, jusqu'à Amsterdam en 3 jours. Et on a traversé des prés avec des vaches qui nous regardaient un peu surpris. Et à la fin, on est arrivé à Amsterdam avec 200 gens, avec leur pancarte qui manifestait contre les armes nucléaires. Et ça n'a donné aucun résultat. Personne n'a remarqué cette manifestation. Et c'était dur et il pleuvait tout le temps. Et ça servait à rien du tout. Et dans mon article, je dis, c'est ce genre de manifestation qu'il faut arrêter. Ça sert à rien. On le fait seulement pour avoir un bon sentiment pour soi-même. Mais maintenant, il faut montrer vraiment d'une façon un petit peu plus agressive ce qu'on veut. Et la provocation, embêter les gens, les faire un peu peur, c'est mieux. Parce que là, on nous écoute sans ça, on nous écoute jamais. J'imprimais. J'étais bon au stencil. D'un côté, je travaillais, je construisais une carrière à la façon des années 60, c'est-à-dire en y prenant du plaisir, ce qui est très différent d'aujourd'hui. On s'amusait en travaillant. Olaf s'amusait beaucoup. Il a été une des premières personnes à importer la Free Press américaine. C'est lui qui m'a mis en contact avec le groupe qui est devenu Provo 6 mois plus tard. Il a été arrêté, on a protesté et ça a activé le réseau parce que nous devions faire face à la situation, la détention d'Olaf. Rob Stolk, qui est l'autre personne vraiment importante dans Provo, est devenu imprimeur offset. Une nouvelle technique, plus facile et très sophistiquée. Je pense que j'ai une photo de lui tout en blanc. Ses vêtements préférés. Il se tient à côté d'une machine à imprimer. Ce qui paraît impossible, tu ne peux pas être habillé en blanc et imprimer. C'était forcément de la com, des relations publiques. Quelqu'un m'a envoyé cette photo et je me rappelle immédiatement pourquoi j'étais aussi impressionné par ce type. Il était tellement beau. J'avais fait mon coming out en tant qu'homosexuel. On n'a jamais rien fait ensemble, mais je le trouvais vraiment charmant. C'était une autre dimension de Provo et du plaisir qu'on avait à y être. Les gens avaient de très bonnes relations entre eux. Fin 9 juin 1966. Le blanc est la couleur symbolique des Provo. Aux élections municipales d'Amsterdam, leur programme portait sur 5 points précis. Le plan des bicyclettes blanches qui prévoyait la suppression de la circulation à l'intérieur du centre de la ville et la mise à la disposition du public d'un grand nombre de bicyclettes blanches qui seraient utilisées gratuitement par tous. Le plan des cheminées blanches, destiné à interdire la construction d'usines autour d'Amsterdam, de manière à éviter la pollution atmosphérique. Le plan des maisons blanches, pour lutter contre la spéculation immobilière. Le plan des policiers blancs, visant à transformer l'agent de police traditionnel en une espèce d'assistant social. Et enfin, le fameux plan des jeunes filles blanches, dû en particulier à Irène Donner, et qui se propose de généraliser l'éducation sexuelle à partir de la puberté. En fait, leur participation aux élections municipales de 66, c'était très discuté au sein du mouvement. Est-ce que cette campagne électorale, au départ, n'est pas simplement un prétexte pour les Provos d'apparaître une fois de plus dans l'espace public? Et puis finalement, cette blague devient très sérieuse au moment où Bernard De Vries est élu, Nicolas Spass. Oui, donc au début, une blague, une campagne électorale artistique, avec une présence Provo dans les rues. Puis, effectivement, Bernard De Vries, le premier élu. Mais bon, il ne va pas durer, hein, Bernard De Vries, quelques mois. Il prend déjà sa distance. Et son siège est repris par Lutz Schimmelpenninck, qui restera au conseil pendant 1 an. Et après, il y a un autre Provo qui prendra sa place, Irène van de Wetering. Et donc le dernier sera Roux-Vendin. Donc sur les 4 ans, il y a 4 Provost. Mais c'est vrai que Bernard de Vries, il a beaucoup peiné à trouver un rôle qui lui convenait en fait au sein de la municipalité. Entre les Provost membres du Conseil qui travaillent pour la pratique et les Provost du mouvement qui travaillent pour l'avenir lointain, éclatera une violente opposition. Je me réjouis de cette opposition, car avec ce genre de querelle, on réalise ses meilleures réussites créatives. Tout le monde dit que le mouvement Provost est un mouvement anarchiste, mais on a la sensation que ce sont des anarchistes qui sont très intégrés dans le système, puisque... ils vont travailler pendant la semaine et finalement ils ne sont provos quasiment que le samedi soir à minuit sur cette place. Oui, on parlait de weekend provo. je ne sais pas, anarchiste, Roux Vendin était un vrai anarchiste. Il a écrit au sujet de Bakounine et Kropotkine, il était vraiment au courant. Il y avait beaucoup de provos qui se sentaient de gauche, mais qui ne voulaient rien avoir à faire avec les communistes. Alors, être anarchiste, c'est aussi une façon de dire « je ne suis pas communiste ». Le communisme était si autoritaire, tout ce qu'on avait appris de ce qui se passait dans l'Union soviétique, et il y avait une partie communiste à Amsterdam qui trouvait les provos, les fils de bourgeois idiots qui font leur petit jeu ici devant le statut, au lieu de batailler pour la classe ouvrière qui a tellement besoin d'eux. Alors, les communistes n'aimaient pas du tout les provos n'aimaient pas du tout les communistes. Alors, il faut trouver une sorte de niche à la gauche qui est ni communiste ni marxiste. Ils n'étaient pas socialistes non plus. Alors, je crois qu'il y a l'anarchisme qui reste là, mais ce n'était pas un anarchisme qui était très, très réfléchi. Quel était votre avis sur le fait que Provost participe aux élections municipales en 1966? J'étais complètement opposé à ça. Je pensais que cela marquait la fin de Provost. Parce qu'on pouvait jouer avec les bobos, mais là, ça allait trop loin. C'était aussi aller davantage du côté des Kabouters, qui se rapprochaient du mouvement hippie que je n'aimais pas. Après coup, on peut dire que des choses très bien en sont sorties. L'écologie, le bien-être, des choses comme ça. Mais à ce moment-là, le flower power, je détestais ça. C'est pour prévenir de nouveaux incidents que la municipalité d'Amsterdam a engagé 2000 policiers supplémentaires, dont 1400 policiers d'État, lesquels sont particulièrement impopulaires. Mais si la faiblesse de la police fut parfois évidente, comme lors de la mise à sac du journal de Télégraphe, tout le monde s'accorde à dénoncer son excès de sévérité en ce qui concerne les provos. Il est vraisemblable que dans un avenir plus ou moins rapproché, la distinction entre provos et blousons noirs, entre manifestants pacifiques et vandales, cette distinction devra soigneusement être faite. Qu'est-ce que vous avez pensé au moment où les provos décident de leur autodissolution et organisent un dernier happening au Vondelpark, juste à côté, en 1967? Pour être complètement honnête, je ne me rappelle plus vraiment qu'est-ce que je pense en ce moment-là. Il semble que je disais pourquoi. Ça allait bien, et maintenant tout d'un coup, eux, les grands, les adultes, Roux Vendin, Robson, ont décidé, bon, c'était beau, on va arrêter tout ça, pourquoi? Maintenant, avec le recul du temps, on peut dire ça, the wisdom of hindsight, je me dis... c'était une si bonne idée parce que la réputation de Provost est devenue jusqu'à aujourd'hui aussi blanc qu'un vélo blanc. Il n'y a pas de tache, rien. Et c'est parce qu'ils ont su quand il fallait arrêter. Je ne peux pas le prouver, mais je suis convaincu que si le mouvement aurait eu plus de temps, peut-être encore 5 ans, peut-être encore 10 ans, ça avait pu changer dans un mouvement plus violent, quand on pense aux squatteurs qui se battaient tout le temps avec la police. Dans l'histoire de Provost, ces 2 ans de Provost, il n'y a pas ces incidents très violents. Alors notre souvenir de Provost est resté si beau parce qu'il savait à quel moment il fallait arrêter le jeu et commencer à faire autre chose. À votre avis, il y a des choses qui restent du mouvement Provo aujourd'hui encore dans la société d'Amsterdam ? Je ne pense pas. Non. Il reste une certaine nostalgie, je pense. C'est resté très isolé, en fin de compte. C'était un pavé dans la mare. Voilà. Et ça a fait beaucoup d'ondes, et c'était très bien. Ça a atteint son but. Later, in my job, I was teaching young plus tard... J'ai donné des cours à des aspirants policiers et j'étais introduit auprès des professeurs par le directeur de l'école. Je me suis dit, tiens, je connais ce type. Et je lui ai dit, oui, je vous connais parce que vous m'avez frappé le 19 mars à minuit sur le Prinsengracht, qui est un des canaux d'Amsterdam. Et il m'a regardé. Et il m'a dit, ouais, ce n'est pas la meilleure partie de ma carrière. Et on a commencé à parler aux étudiants, et ce vieux policier s'est mis à leur expliquer qu'il avait reçu l'ordre de nettoyer la rue de ces gamins. Et que, simplement, il l'avait fait. Une matraque. Il avait tiré sa matraque. Il avait simplement commencé à frapper tous ceux qui se trouvaient dans la rue. Et il se regardait backwards. Après coup, il repensait à ce qu'il avait fait et il leur a dit « On ne ferait plus jamais ça aujourd'hui. » Parce que vous devez évaluer vous-même la situation en tant que policier dans la rue. Parce que n'importe qui peut vous donner des ordres par radio. Mais pensez par vous-même. Est-ce que l'ordre est vraiment raisonnable ? Ça a changé. When the sun beats down and blazes a tar upon the roof, and your shoes get so hot you wish your tired feet were fireproof. Under the boardwalk, down by the sea, yeah, on a blanket with my baby, that's where I. Merci à Yannick Blans, Bart van Erik Oitsen, Daniel Bourgois, Nicolas Pass et Thieu Boeuf en Thayen. Merci également à Thomas Beaufils. Archivina, Aurélie Marsay. Micro-trottoir, Daniel Bourgois. Extrait du journal Provo. Lecture des traductions, Rodolphe Congé, Antoine Lachan. Prise de son, Bart van Erik Oitsen, Jean-Pierre Pernel, Pierrick Monsigny. Mixage, Bernard Lanier. Les Provos d'Amsterdam, un 68 avant la lettre. Anaïs Quien, Anne Fleury. Voilà donc pour ce dernier documentaire de notre série consacrée aux révolutions des années 1960 dans ses rediffusions de la Fabrique de l'Histoire. La semaine prochaine, nous vous proposerons des documentaires consacrés aux archives, à leur quête et à leur découverte.